J'aime le souvenir de ces époques nues, dont Phébus se plaisait à dorer les statues. Alors, l'homme et la femme, en leur agilité, jouissaient sans mensonge et sans anxiété. Et le ciel amoureux, leur caressant l'échine, exerçait la santé de leur noble machine. Si belle alors, fertile en produits généreux, ne trouvait point ses fils un poids trop onéreux. Mais louve au cœur gonflé de tendresse commune, abreuvait l'univers à ses tétines brunes. L'homme, élégant, robuste et fort, avait le droit d'être fier des beautés qui le nommaient leur roi. Fruit pur de tout outrage et vierge de gerçure, dont la chair lisse et ferme appelait les morsures. Le poète aujourd'hui, quand il veut concevoir ses natives grandeurs, au lieu où se font voir la nudité de l'homme et celle de la femme, sent un froid ténébreux envelopper son âme devant ce noir tableau plein d'épouvantement. Oh, monstruosité pleurant leurs vêtements, ô ridicule tronc, torse digne des masques, ô pauvre corps tordu, maigre, ventrus ou flasque, que le dieu de l'utile, implacable et serein, enfant, emmaillota dans ses langes d'airain. Et vous, femmes, hélas, pâles comme des cierges, que ronge et que nourrit la débauche, et vous, vierges, du vice maternel traînant l'hérédité et toutes les hideurs de la fécondité. Nous avons, il est vrai, nations corrompues, aux peuples anciens des beautés inconnues, des visages rongés par les chancres du cœur, et comme qui dirait, des beautés de langueur. Mais ces inventions de nos muses tardives n'empêcheront jamais les races maladives de rendre à la jeunesse un hommage profond. À la sainte jeunesse, à l'air simple, au doux front, à l'œil limpide et clair ainsi qu'une eau courante, et qui va répandant sur tout, insouciante comme l'azur du ciel, les oiseaux et les fleurs, ses parfums, ses chansons et ses douces chaleurs.